Je circule par temps de pluie et la visibilité est fortement réduite. Les feux de position sol sont interdits dans de telles circonstances, parce qu'insuffisants pour être vus. Pour bien voir et être vu, je dois faire usage des feux de croisement. Je n'utilise pas les feux de brouillard arrière, qui par temps de pluie sont particulièrement gênants pour les usagers qui suivent, parce que très éblouissants. Réponse B.